أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن من الدعاء الذي ورد للصائم ما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن للصائم عند فطره دعوة اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي ذنوبي رواه الحاكم في المستدرك. هذه من الأدعية للصائم أن يقول اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي ذنوبي. فالإنسان يغتنم فرصة الصيام والدعاء إن شاء الله مستجاب في ورد عند الإفطار. وكما قلنا ذكرنا بعض تفسير آيات حتى الإنسان يعني يستفيد. دونك اون اكسبيكي وي دعاء parmi دعاء de dire au moment de la rupture, c'est qui est dans le hadith ça. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي ذنوبي. C'est-à-dire, globalement, ça veut dire que tu demandes à Dieu qu'il te pardonne tes péchés par donc sa miséricorde. Miséricorde qui englobe toute chose, ça veut dire ici Dieu, sa miséricorde, yani, dans cette vie, c'est pour tout le monde. Mais dans l'au-delà, c'est que pour les croyants, pour les musulmans. Allah قال في القرآن ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون أي الذين يجتنبون الكفر بأنواعه. هذا معناها. إذن اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء في هذه الدنيا يرحم المسلم والكافر. الهواء اللي تنفسه الكافر من رحمة الله، الماء الذي يشربه من رحمة الله. هذا معنى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، يعني في الآخرة خاص بالمسلم فقط. يتقون أي يجتنبون الكفر والشرك، يعني كفر بأنواعه، من أنواعه الشرك. الشرك هو نوع من أنواع الكفر. Donc la miséricorde de Dieu englobe toute chose dans cette vie. En fait, on l'a vu ça dans l'explication du verset wa rahmati wasi'at kulla shay' fa sa'aktubuha lil ladhina yattaqun. C'est-à-dire la miséricorde de Dieu dans cette vie englobe le musulman et le mécréant. Même le mécréant, l'air qu'il respire, l'eau qu'il boit, c'est une miséricorde de Dieu. Caca, يعني حتى الهواء اللي يشرب يعني حتى الماء الذي يشربه يعني بلاش هواء تموت. رحمة الله. بلاش ماء تموت. واحد يعظ، كانوا السلاطين قبل عندهم وعاظ. يجيهم واعظ. يقول له يجيب واعظ يقول له اقرا لي القرآن، اعمل لي وعظ. مرة جاء واعظ للسلطان قال له عطيني الوعظ، قال له لو بشتهلك تحتاج هذا الكاس، يعني هذا الكاس الماء نصف هذا. قال له هذا الماء، أعطاه قال له كاس ماء، قال له هذا كاس ماء لو بشتموت شنو تعطي لهذا الكاس ماء بشتموت معتش؟ قال نعطي نصف الملك متاعي. قال له إذا كان شربت ولكن ما عاش يخرج منك شنو تعطي باش يخرج؟ ما عاش يقدر يعني يقضي الحاجة. قال نعطي نصف الآخر. قال له شفت ملك قيمته كاسماء لا ينبغي أن تعصي الله لأجله. شوف الوعظ تاع الوعد. يعني قالوا في الحقيقة ها وقيف وكاسمه هذا الملك اللي عندك هو واقع، لو تملك ذهب فرنسا كامل باش تموت العطش، قل تعطي ذهب اللي عندك كل ولا كاسمه؟ أي واحد منا يقول هات كاسمه وهز كل. يعني بعض الناس ما يشوفوش قيمة النعمة إلا كي يفقدها، تو تشرب عادي أما كي تفقدها تولي يعني انقطاع مطر وكذا، ها هنا تتفكر النعمة. فهذه اللي يشربها الماء رحمة الله، فالله يرحم المسلم الكافر في الدنيا. أما في الآخرة الله قال ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهم على الكافرين. الله يجعل أنه يسمعوا مع بعد المسافة، أنه هذا نار تحت الأرض السابعة والجنة فوق السماء السابعة، ربي يجعل وقت من الأوقات يسمعهم. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهم على الكافرين. عندهم مش ماء إلا، الله قال إلا حميما وغساقا. حميم يقطع أوجوههم، يقطع الأمعاء، إذن فالله يرحم المسلم الكافر في هذه الدنيا، أما في الآخرة المسلم فقط. هذا معنى الذين يتقون، وهذا تفسير اسم الله الرحمن. الرحمن اسم خاص بالله سبحانه وتعالى، لا يجوز الإنسان يسمي ولده رحمن. في بعض البلاد في آسيا يسمون ولدهم رحمن من الجهل، لا يجوز. الله الرحمن خاص بالله سبحانه وتعالى، أما تسمي ولدك رحيم يجوز بمعنى للمخلوق. الله قال عن النبي بالمؤمنين رؤوف الرحيم، أما قاش عنه رحمن، رحمن خاص بالله سبحانه وتعالى. هذا تفسيره الذي يرحم المؤمنين والكافرين في الدنيا والمسلمين فقط في الآخرة. Donc on voit les deux ils ont explication aussi. On a dit Dieu sa miséricorde englobe toute chose dans cette vie, c'est-à-dire il fait miséricorde donc aux musulmans et aux mécréants. Dans l'au-delà, la miséricorde de Dieu c'est réservé aux musulmans. Et Allah dit dans le Coran ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. Dans cette vie, ça englobe toute chose, mais dans l'au-delà, c'est réservé aux croyants. C'est réservé aux croyants musulmans. Donc, même l'eau qu'il respire, qu'il boit, le mécréant, on a dit c'est miséricorde de Dieu. On a donné l'exemple. Il y avait avant les rois, les sultans, ils ramenaient quelqu'un, il dit exhorte-moi, récite-moi le Coran. Il y en avait un, il a ramené quelqu'un pour l'exhorter. Il lui a dit, regarde ce verre d'eau. Si tu vas mourir, mais tu as besoin de ce verre d'eau, qu'est-ce que tu donnerais pour ce verre d'eau? Il a dit, je donne la moitié de ce que je possède, de tous mes biens. Il a dit, et si maintenant tu le bois et il ne sort plus, qu'est-ce que tu donnerais pour que ça sorte? Il a dit, l'autre moitié. Il a dit, t'as vu, un pouvoir que tu as qui vaut un verre d'eau, ça ne vaut pas la peine de désobéir à Dieu à cause de cela. Et c'est vrai, si tu as tout l'heure du monde, toute la Banque de France, tu l'as, tu vas mourir de soif. On dit donne ce que tu as contre ce verre d'eau. Je dis ben oui, donnez-moi le verre d'eau, tu vas mourir. Parce que tu ne peux pas boire l'or. Si tu as rempli cette pièce d'or, tu peux la manger, ça ne se mange pas. Moitié d'une date, tu vas mourir de faim, tu dis donne-moi 30 tout l'or. C'est vrai, et ça c'est la vérité. Mais on se souvient de ces des bienfaits quand on les perd en fait. Les gens en période d'aisance et tout, ils oublient ça. Mais s'il y avait la famine, sécheresse, là tu vas manger même l'herbe. Et c'est pour ça. Yani, c'est important. D'un côté, le prophète il a conseillé, il dit « Iyaka wa tana'am fa inna ibad Allah ilaysu bil mutana'imin » Les esclaves vertueux, ils se donnent pas au plaisir, même s'ils sont licites. Parce que suffire du peu, ça t'aide. Tu dis, de se rappeler les bienfaits de Dieu qui t'a donné. Donc, en tout cas, et ça, on a dit, c'est l'explication du nom de Allah Ar-Rahman. Ar-Rahman, c'est ça son tafsir. Et ça, c'est un nom que pour Dieu. Ar-Rahman, c'est que pour Dieu. Et dans certains pays d'Asie, ils appellent leur fils Rahman. C'est interdit en islam. On peut appeler Rahim, c'est valable. On peut appeler son fils, c'est pas interdit. Rahim, Karim, Salem, c'est pas interdit en islam. Et Dieu dit au sujet du prophète, Bil mu'minin ra'ouf rahim. Dieu appelle le prophète Ra'ouf Rahim. Il le qualifie de Rahman. Ça, c'est valable. Rahim. Mais le mot Rahman, c'est que pour Dieu. Rahman, Allah, c'est que pour Dieu. On ne peut pas appeler son fils Rahman. Dans certains pays, ils font ça. Je ne vais pas citer quel pays, mais c'est l'ignorance, c'est haram, ça. C'est interdit. Le mot Rahman, c'est que pour Dieu. Il y a des mots qui sont que pour Dieu. Malikul Mulk, Zul Jalal wal Ikram, Al-Muhyi, Al-Mumit, par exemple. Mais il y a des mots qu'on peut utiliser pour les créatures, comme Rahim. On peut appeler son fils Rahim, ce n'est pas interdit. Bien sûr, le mieux, c'est Abdurrahim, Abdurrahman, tout ça. Quand on dit Abd, il n'y a pas de problème. Mais le mot en soi, Rahman, c'est que pour Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce qu'on a expliqué. Ça veut dire celui qui fait miséricorde aux musulmans et aux mécréants dans cette vie et dans l'au-delà que pour les musulmans. Et c'est dit dans le Coran qu'à un moment, وَنَادَ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُ عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهِ. Il est cité dans le Coran à un moment, les gens seront en enfer, des mécréants et les musulmans au paradis. À un moment, bien qu'il y ait une grande distance, parce que c'est en dessous de la septième terre, l'enfer, et au-dessus du septième ciel, le paradis, Dieu fait qu'ils vont entendre. Les mécréants, ils vont appeler les musulmans au paradis. أَنْ أَفِيضُ عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهِ. C'est-à-dire, donnez-nous de l'eau ou de ce que Dieu vous a donné. Parce que dans l'enfer, c'est quoi? Hamim wa ghassaqa Allah. Dieu dit, ils ont hamim. C'est-à-dire de l'eau à extrême ébullition. Ils veulent boire, c'est de l'eau à extrême ébullition qui déchire la peau de le visage, les entrailles. C'est ça qu'ils ont. Et ghassaq, c'est quelque chose qu'ils mangent, qui est très très laid. Inna ladayna ankalan wa jahima wa ta'aman dha ghussatin wa azaban alima. وطعاما ذا غصة يعني تعداش هذا القرآن دونك Dieu dit les nourritures qui bloquent là غصة en arabe ça veut dire que c'est quand ça bloque dans la gorge donc ils ont pas ça et il s'est dit إن الله حرم il leur répond des gens du paradis dans le Coran c'est cité إن الله حرمهما على الكافرين c'est à dire ils ont pas l'eau qui abreuve, qui n'ont pas la nourriture qui rassasie, il n'y a pas ça. C'est pour cela que la personne intelligente, elle se prépare dans cette vie pour l'au-delà, en obéissant à Dieu, et de patienter dans le peu. Et c'est pour ça que le prophète, il habitue aussi, il nous conseille de s'habituer au peu. Dans le hadith, « Iyaka wa tana'am fa inna ibadallah ilayhi subhanahu wa ta'ami » Le fait de s'habituer au peu, ça t'aide à remercier Dieu, à aider les pauvres, etc., etc. Mais c'est toujours dans le fait de rajouter beaucoup de luxe et superflu, ça te fait oublier que c'est des bienfaits que Dieu a accordés, etc., etc. Quand tu t'habitues au peu, tu penses plus à l'au-delà. Et donc, c'est tout ce que nous avons dit. إن للصائم قال النبي عليه الصلاة والسلام إن للصائم عند فطره دعوة اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي ذنوبي هذا دعاء نقصد دعاء دير اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي ذنوبي نقصد دعاء دير donc pour la rupture et on a vu on a expliqué justement la miséricorde de Dieu englobe toute chose dans cette vie, dans l'au-delà, c'est que pour les musulmans, parce que l'islam, c'est la clé du paradis. Yarham al-Muslim ou al-Kafir, dunya, المسلم فقط في الآخرة، ولهذا قلنا إن مات على الكفر الله لا يرحمه إن مات بالغا عاقلا بلغته ضعف الإسلام. Donc celui qui meurt sur la mécréance, Dieu lui fait pas miséricorde dans l'au-delà. S'il meurt pubère, saint d'esprit, qui a entendu l'appel à l'islam. C'est ça la responsabilité en islam. هذا هو التكليف شرعا. البالغ العاقل الذي بلغته دعوة الإسلام. إذن هذه نعمة عظيمة، يعني إنسان يصوم رمضان مسلم، هذا نعمة عظيمة، أكبر نعمة. الله يوفقك للإيمان والطاعات. Donc c'est un bienfait de Dieu qui te facilite de lui obéir et d'être musulman, de jeûner, etc. هكذا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه فنطيعه، هذا هو الشكر الواجب، نطيع الله تعالى. Donc on remercie Dieu en lui obéissant سبحانه وتعالى. والله غني عنا، الله n'a besoin de rien سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد طاهر الأمين. اللهم رزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.